Bonjour tout le monde, et ceci est un enregistrement des questions orales pour le chapitre 2. Hi everyone, this is a recording for chapter 2 oral questions, getting you ready for the test. Je vais d'abord vous donner les questions orales, laisser un blanc, et puis vous proposer une réponse possible. I am going to give you some oral questions and then leave a blank and then offer one possible answer. This is by no means the only one, but that's one of them. Vous êtes prêts? Are you ready? Okay, here we go. We're going to have 10 questions or so. So here we go. Here is question number 1. 1. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci. 2. Voulez-vous boire quelque chose? Oui, volontiers. 3. Voulez-vous une tasse de café ou une tasse de thé? Je voudrais une tasse de café, s'il vous plaît. 4. Vous adorez le coca, le café ou la bière? J'adore le coca, mais je déteste la bière. 5. Comment trouvez-vous le café de Colombie? J'adore le café de Colombie. 6. Qu'est-ce que vous aimez un peu, beaucoup, pas du tout? J'aime un peu le thé. J'aime beaucoup le café. Je n'aime pas du tout la bière. 7. Qu'est-ce que vous aimez faire? J'aime voyager et j'aime skier. 8. Est-ce que vous aimez étudier? Oui, j'aime bien étudier. 9. Votre mère voyage souvent ou rarement? Ma mère est vieille. Elle ne voyage pas souvent. Elle voyage rarement. 10. Qui regarde souvent la télé? Moi, je regarde assez souvent la télé. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Well, that's it for today. It's a wrap. I will see you tomorrow. À demain. Au revoir.